Le reconnaître, l'Iran est devenu aujourd'hui incontournable. Ce même Iran, classé parmi les pays faisant partie de l'axe du mal, selon George Bush Jr. L'Iran, État terroriste, soupçonné de vouloir se doter de l'arme nucléaire et toujours, au moins officiellement, désireux d'anéantir Israël. Bref, l'Iran des ayatollahs, distributeurs de fatwas de mort, eh bien, aujourd'hui, même Washington doit admettre qu'il représente une force stabilisatrice au Moyen-Orient et qu'il est devenu de facto un allié de poids quasi indispensable dans la lutte contre Daesh, l'État islamique. En dépit du soutien qu'il continue à accorder aux Syriens Bachar el-Assad et au Hezbollah libanais. Monsieur X, qui m'a souvent parlé de cette partie du monde plus troublée que jamais, a donc entrepris dans ce nouvel entretien de me raconter cet extraordinaire retournement de situation. Et il en profite pour évoquer un personnage méconnu, mais qui souvent dans l'ombre tire les ficelles militaires et politiques de tout ce qui se passe dans la région. Cet homme, c'est un général, Qassem Soleimani, chef de la force Al-Quds, l'unité d'élite des gardiens iraniens de la Révolution. L'homme qui est peut-être le chef de guerre le plus puissant du Proche et Moyen-Orient actuel, mais qui était aussi auparavant l'un des hommes les plus recherchés au monde à cause des actions terroristes qu'il a commanditées, en particulier contre l'Occident. چون در رسد هم اسپری هم جوشنی هم جوشني Rendez-vous avec X. On le murmurait depuis quelque temps, mais c'est aujourd'hui devenu une réalité. Les troupes iraniennes ne se cachent plus. Elles interviennent directement en Irak. Il ne s'agit pas seulement de raids aériens comme le font les Américains et les autres pays de la coalition anti-Daesh. Non, elles combattent sur le terrain, aux côtés des milices chiites et de l'armée irakienne. On les a même vus récemment participer à la reconquête de Tikrit. Et c'est tout un symbole. Ben oui, Tikrit, c'est la ville de Saddam Hussein. Hein, oui, hein. Car il ne faut pas oublier que pendant presque 10 ans, les Iraniens se sont justement battus contre l'armée de Saddam Hussein. Ouais, une guerre terriblement meurtrière. Oui, qui a entraîné la mort de plus d'un million d'hommes. Et où ont été expérimentées les armes les plus terribles qui soient. Les gaz, l'arme chimique. Et c'est essentiellement Saddam Hussein qui en a usé avant de les employer contre sa population kurde. Mais vous savez tout cela, il reste en tout cas que pour Téhéran, cette présence de ses troupes sur le sol irakien est aussi une formidable vengeance posthume contre Saddam Hussein. Ouais. Alors par où commence-t-on ce long entretien que vous me promettez ? D'abord par une observation de nature géopolitique. Depuis longtemps déjà, les dirigeants des pays arabes de la région dénonçaient les tentatives hégémoniques de l'Iran. Et les monarchies pétrolières en particulier, toutes d'obédience sunnite, craignaient la formation de ce que l'on appelle l'arc chiite. M'a précisé. Il suffit de regarder une carte de la région. Cet arc, ou croissant chiite, commence en Iran et se termine au Liban, en passant sans discontinuité par l'Irak et la Syrie. L'Irak où les Américains qui ont chassé Saddam Hussein ont favorisé l'émergence d'un pouvoir chiite. Car de facto, en exigeant la mise à l'écart des hommes qui faisaient partie de l'appareil militaire et politique de Saddam Hussein, ils ont porté au pouvoir les chiites. Ouais, qui sont majoritaires dans le pays, hein, mais ont toujours été soumis aux sunnites. Quant à la Syrie, elle est dirigée par le clan alaouite des Assad, une obédience très proche du chiisme. Et le Liban, enfin. Là-bas, il y existe le Hezbollah, le parti de Dieu, un véritable État dans l'État, doté d'une considérable force militaire. Donc, alors, cet arc chiite là, a déjà été construit. Mais il est en permanence confronté à la menace que représente l'État islamique en Irak et aux rebelles en Syrie. D'où la volonté de Téhéran de lutter contre les djihadistes en Irak et de soutenir à bout de bras le président Bachar el-Assad en Syrie. Et il faudrait ajouter à cette volonté hégémonique de l'Iran l'évolution de la situation dans deux pays situés de part et d'autre de l'Arabie saoudite. Au Yémen d'abord, à sa frontière sud, où les houthistes d'obédience chiite se sont emparés du pouvoir à Sanaa. D'ailleurs, les Saoudiens très inquiets viennent d'y intervenir militairement. Hein. Et il faudra en reparler. Même inquiétude au sujet du petit Bahreïn qui se trouve sous la coupe d'une royauté sunnite totalement affilié aux voisins saoudiens, alors que la population est majoritairement chiite. Ouais, une population qui a déjà essayé à plusieurs reprises de secouer ce joug. Et on peut imaginer que l'Iran ne doit pas être tout à fait étranger à ces tentatives de rébellion. Évidemment. Comme au Yémen, où il est probable que Téhéran accorde un soutien discret aux houthistes. D'autant que Daesh a revendiqué les monstrueux attentats qui ont ensanglanté Sanaa il y a peu de temps. Ouais. Daesh, l'ennemi juré des Iraniens. Autre observation intéressante. La prise de conscience de la menace chiite dans la région ne date pas d'hier. Avant même le déclenchement de la guerre américaine qui allait chasser Saddam Hussein en 2003, un dirigeant comme Hosni Moubarak avait mis en garde les États-Unis. Il avait d'ailleurs été suivi par le roi Abdallah de Jordanie. Pour ces deux chefs d'État, il était évident que le renversement du dictateur sunnite Saddam Hussein profiterait d'abord à l'Iran. Ouais, mais les Américains ne les ont pas écoutés. Hein. Non, et ça mérite une parenthèse. George Bush Jr. était alors sous la coupe de ces idéologues qu'on a appelés les néo-conservateurs. Ouais, les néo-cons, pour parler un peu plus vulgairement. Et ces pseudo-visionnaires avaient théorisé, dès le mi-temps des années 1990, un plan ambitieux pour remodeler le Moyen-Orient. Remodeler, expliquer. Constatant que le soutien apporté à Saddam Hussein dans sa guerre contre l'Iran n'avait pas abouti à renverser le régime des Mollahs. Oui, il en était même sorti revigoré. Hein. Donc ces néo-cons ont imaginé une autre stratégie pour pacifier la région. Et c'était un complet changement de pied. Il fallait désormais miser sur les bons chiites de la région, à la fois pour se débarrasser des dictatures arabes et des ayatollahs. Les bons chiites, c'est-à-dire ? Les bons chiites par opposition aux mauvais chiites, ce Téhéran. Ouais, mais où comptait-il les trouver ? En Irak. Mais il fallait d'abord chasser Saddam Hussein du pouvoir. Et d'où la deuxième guerre du Golfe. Déclenchée à partir de mensonges éhontés sur l'existence d'armes de destruction massive dans l'arsenal de Saddam Hussein. Mais inutile d'y revenir. Une fois le dictateur irakien chassé, les Américains s'appuieraient sur la communauté chiite du pays, la plus nombreuse. Car les néo-conservateurs jugeaient qu'elle était modérée et développaient même des sentiments amicaux vis-à-vis de l'Occident et de ses valeurs. Oui, mais c'était complètement faire fi alors des liens qui unissaient les chiites irakiens et iraniens. Bah, je suis d'accord avec vous. Mais ces idéologues états-uniens pensaient au contraire que ces bons chiites seraient capables de faire pièce à leurs co-religionnaires iraniens. Et même à les combattre le jour venu. C'est une analyse complètement folle. Hein. Et qui va pourtant être le socle idéologique de l'intervention américaine en Irak. Il va sans dire que ces néocons ont subi l'influence de quelques opposants irakiens exilés, comme Ahmed al-Shalabi, qui étaient depuis longtemps déconnectés de la réalité de leur pays et qui ont tenté de jouer une carte aussi personnelle que désastreuse. George Bush a donc été victime d'un véritable aveuglement. Comme ça lui est arrivé trop souvent au cours de ses deux mandats, oui. Car en l'occurrence, non seulement les bons chiites ne lui ont pas été réellement reconnaissants, mais certains se sont retournés contre les occupants américains en les frappant parfois sévèrement. On observera même l'éclosion d'un vrai mouvement de résistance chiite. Contre l'occupation. En tout cas, ces chiites irakiens ne se sont pas désolidarisés de leurs frères iraniens. Hein. Bien au contraire, à tel point qu'on a même l'impression que c'est l'Iran qui est aujourd'hui aux manettes à Bagdad. Enfin, n'allons pas trop vite. Avant d'en venir au déroulement des événements des 15 dernières années, à la lumière de l'itinéraire d'un homme de l'ombre, Qassem Soleimani, il faut souligner plusieurs situations paradoxales. Par exemple, celle de l'Arabie Saoudite. Adversaire traditionnel de l'Iran, elle participe aujourd'hui à la coalition anti-État islamique au sein de laquelle, officieusement, l'Iran prend une place de plus en plus importante. Et puis il y a le dilemme américain. Bien entendu. Washington doit également faire le grand écart entre son hostilité traditionnelle envers Téhéran depuis la chute du Shah et la prise d'otage à l'ambassade américaine et le rapprochement implicite avec les Iraniens dans le combat contre Daesh. Pour ces derniers, alors, les États-Unis ne seraient plus le grand Satan, pour reprendre le vocabulaire de l'ayatollah Khomeini. Apparemment, ou provisoirement, comme vous voudrez. Et il faut ajouter les négociations actuelles sur le nucléaire iranien qui compliquent encore les choses. Naturellement. Et il semble que Barack Obama voudrait aboutir à tout prix, quitte à faire des concessions à Téhéran. Aux grandes dames d'Israël. Et même de la France, hein, qui reproche aux Américains d'être trop conciliants avec les Iraniens. Autre dilemme, l'attitude à adopter vis-à-vis de Bachar el-Assad, allié objectif dans la lutte contre Daesh. Il demeure toujours infréquentable, en particulier depuis qu'il a utilisé l'arme chimique contre ses opposants. Mais récemment, les Américains ont laissé entendre qu'il faudrait à nouveau parler avec Bachar. Ce que Paris a vivement critiqué une nouvelle fois, malgré son étroite alliance militaire avec les États-Unis dans la campagne de frappes aériennes contre l'État islamique. Vous voyez donc que tout cela est très complexe. Il existe même à Washington des experts ou des hommes politiques qui s'inquiètent sérieusement. Et la source de leur inquiétude ? À l'implication de plus en plus grande de l'Iran et sa montée en puissance. S'ils reconnaissent volontiers que Téhéran leur donne un sacré coup de main contre Daesh, ils se demandent aussi ce qui se passera après. Après quoi ? La victoire contre l'État islamique. car il est peu probable que les bataillons iraniens engagés en Irak et peut-être même en Syrie rejoindront ensuite bien sagement la mère patrie. Alors, intéressons-nous à ce personnage qui semble être aujourd'hui le Deus ex machina en Syrie, en Irak et même au Liban. Et pourtant, pendant longtemps, il s'est gardé d'apparaître au grand jour. Retour sur cette thèse des néoconservateurs américains qui entendaient miser sur les « bons chiites », comme ils les appelaient. Dans un excellent livre récent, la chercheuse française Myriam Benrad, docteur en sciences politiques, explicite cette étrange idéologie. La chute du bassisme pourrait rebattre les cartes de la libération des centres chiites de Najaf et Karbala, et celle de leurs imams qui rejettent la tutelle exercée par le clergé chiite sur les croyants, pourrait permettre aux chiites irakiens de remettre en question la révolution iranienne, voire peut-être même de la faire échouer. Pour la première fois en un demi-siècle, l'Irak aura l'opportunité de remplacer l'Iran comme centre de la pensée chiite, de retrouver sa place historique, sa tradition quiétiste, de remettre en cause l'absolutisme sunnite. Bref, en chassant Saddam Hussein et les bassistes, les Américains auraient voulu faire d'une pierre deux coups. France Inter, Patrick Pénaud, a rendez-vous avec X. Alors, qui est ce mystérieux Qassem Soleimani, le nouvel homme fort de la région? J'ai été frappé par un récent article que lui a consacré l'un des meilleurs connaisseurs de la région, le journaliste de Libération Jean-Pierre Perrin. Il a écrit à peu près ceci, je cite de mémoire, « De cet homme aux cheveux gris, à l'élocution douce, dont l'assurance témoigne qu'il a l'entière confiance des plus hautes autorités de son pays, on peut dire qu'il n'a d'équivalent dans aucun autre pays. » Ah mais c'est impressionnant. Et d'autant que son apparence physique semble plutôt contredire l'extraordinaire ascendant qu'il prend sur tous ses interlocuteurs, qu'ils soient des militaires ou des civils. Ouais, et physiquement justement alors. Ah ben c'est un petit homme qui arbore une barbe blanche courte et soigneusement taillée. Bref, l'apparence d'un quinquagénaire ordinaire. Ouais, et pas l'allure d'un chef de guerre. Non, car il est plutôt discret. Il a toujours évité de se mettre en avant dans les médias. D'ailleurs, ses photos sont plutôt rares. Et pourtant, c'est ce faux modeste qui est capable d'électriser ses troupes et de susciter l'enthousiasme des combattants. Au reste, on va le voir, Soleimani est peut-être aussi un politique subtil, et même un fin diplomate lorsqu'il le faut. Pour compléter cette esquisse de portrait, il faut souligner que si c'est un bon musulman, il n'est pas toujours fourré à la mosquée. En fait, sa vraie fidélité, c'est celle qu'il voue à la révolution iranienne. Comment vit-il? Oh, plutôt de façon frugale. Alors que beaucoup de vétérans des chefs Pasdaran se sont abusivement enrichis, Soleimani, lui, est resté honnête, apparemment du moins. Mais selon certaines sources, il aurait bénéficié d'un important viatique que lui aurait donné personnellement le guide suprême. Ah ben, ce qui montrerait en quelle estime est tenu Soleimani au sommet du pouvoir islamique. Hein. Au reste, il habite Téhéran. Et lorsqu'il est dans son pays, il mène la vie familiale d'un fonctionnaire tranquille qui se lève tous les jours à 4 heures du matin et se couche rarement à plus de 9 heures du soir. Marié ? Oui, et père de 5 enfants. On le dit se conduire avec beaucoup de respect envers son épouse qui l'accompagne parfois dans ses voyages hors du pays. Ses goûts esthétiques sont assez traditionnels, mais malgré une éducation relativement sommaire, il est plus cultivé que la plupart de ses congénères de l'armée. Surtout, tous ses proches reconnaissent sa grande intelligence et son sens de la stratégie. Enfin, et c'est essentiel, pour arriver politiquement à ses fins, il n'a aucun scrupule. Et quand, afin de soudoyer les hommes, les manœuvres d'intimidation ou les pots de vin ne suffisent pas, Soleimani n'hésite pas à recourir en dernier ressort à l'assassinat. Bref, un homme redoutable malgré son aspect physique plutôt rassurant. C'est ce qui apparaît et qui suscite une admiration certaine même chez ses adversaires les plus résolus. Si pour l'ancien patron du commandement militaire américain en Irak, le général David Petraeus, Qassem Soleimani est une créature diabolique. L'ex numéro 1 du Mossad, Mer Dagan, juge, lui, que c'est un personnage brillant qui a l'intelligence de pouvoir entretenir des relations avec tout le monde. Et pourtant, vous le soulignez, il y a une part de mystère chez cet homme. Qu'il entretient peut-être à dessein. C'est sans doute pourquoi un haut responsable états-unien l'a comparé à Kaiser Soze, le roi de la pègre dans le célèbre film « Usual Suspects ». Oui, à tel point qu'on finit même par douter de son existence. C'est ça. Personne ne savait qui était réellement ce personnage qui semblait être partout et en même temps nulle part. Mais d'autres n'ont pas hésité à le comparer à Carla, l'insaisissable maître espion soviétique des romans de John le Carré. Oui, qui aurait été inspiré à l'auteur par le célèbre Marcus Wolf, hein, le chef du service d'espionnage est-allemand. En tout cas, ça donne l'impression que Soleimani ne répugne pas à entretenir lui-même sa légende. Pourquoi pas ? Je n'en sais pas plus. Alors, plus concrètement, là, d'où vient-il ? Qassem Soleimani est né en 1957 dans un village montagneux de l'est de l'Iran. La famille ? Des paysans pauvres. Son père, comme beaucoup de ses semblables, s'est endetté auprès du gouvernement pour acheter des terres. Ouais, c'est alors le Shah qui règne sur l'Iran. Oui. On raconte que le jeune homme aurait quitté son village pour aller travailler dans la grande ville la plus proche, Kerman, afin de racheter la dette de sa famille. Ce qui expliquerait alors son éducation assez sommaire. Car il est en effet obligé d'interrompre ses études au lycée afin d'éviter à son père la prison pour dette. Mais ici, il faut faire la part de la propagande. Ouais, l'exploitation des paysans pauvres par le régime monarchique. Évidemment, même s'il y a un fond de vérité. Ensuite, après avoir travaillé sur un chantier de construction, Qassem trouve à s'employer dans le service des eaux de la ville de Kerman. Ce sont alors les dernières années du règne du Shah. Oui, et l'agitation, malgré la répression de la terrible Savak, ne cesse de croître dans les milieux populaires. Une agitation exacerbée par le clergé chiite qui diffuse les cassettes enregistrées par les ayatollahs exilés. Ouais. Le jeune Qassem, se sent-il concerné ? Il semble bien plutôt intéressé par le sport et les exercices de musculation. Ce n'est pas tout à fait anodin, car dans les gymnases qu'il fréquente, on s'efforce aussi à inculquer à ces jeunes gens un esprit guerrier. En même temps, il a l'occasion d'écouter les prêches d'un prédicateur itinérant proche de l'ayatollah Khamenei. Oui, l'actuel guide suprême de l'Iran. Et cela, alors, l'amorce de sa conversion aux idéaux de la révolution islamique ? On peut l'imaginer, car dès 1979, après le renversement du Shah, il rejoint les rangs des gardiens de la révolution. Ouais, les Pasdaran. Le bras armé de la révolution islamique. Les religieux au pouvoir ont créé cette unité pour s'opposer à toute tentative de l'armée de perpétrer un putsch. Chez les Pasdaran, Qassem reçoit un bref entraînement militaire. Et il est presque aussitôt envoyé dans le Kurdistan iranien. Il s'agit alors de réprimer un soulèvement de la population locale. Oui, Soleimani fait ses armes, si j'ose dire. Et dans les conditions qu'on peut imaginer. Puis, 18 mois plus tard, c'est l'invasion irakienne. Et le déclenchement de la première et interminable guerre du Golfe. Oui, Saddam Hussein, en attaquant son voisin, pense profiter du désordre qui y règne à la suite de la révolution. Oui, mais en réalité, il ne fera que renforcer le pouvoir de l'ayatollah Khomeini. Car patriotisme aidant, le pays tout entier se rangera derrière son chef. Et que devient alors Qassem Soleimani ? Il est bien sûr engagé dans la guerre et gagne le front. Mais il est d'abord affecté à une fonction relativement subalterne, l'approvisionnement en eau des soldats. Toutefois, ça ne dure pas. Le jeune homme fait rapidement la preuve de ses qualités militaires et il sera désormais chargé des opérations les plus risquées. Ah, les plus risquées, par exemple ? Il est envoyé derrière les lignes irakiennes en mission de reconnaissance. Il y gagne la réputation d'un combattant courageux et intrépide, qui revient même parfois chez les siens avec une chèvre pour améliorer l'ordinaire. Ça doit être apprécié par ses camarades. Et ça vaut au voleur de chèvres, comme on le nomme, d'être appelé au commandement d'une division de Pasdaran. À ce poste, il se révèle vraiment. Soleimani est un chef charismatique, un véritable meneur d'hommes, très populaire parmi ses soldats. Mais c'est aussi un officier lucide et qui réfléchit. À qui réfléchit, vous voulez dire, à la différence de certains autres chefs ? Oui, car la tactique de l'armée iranienne le désole. Expliquez-moi. Face à l'offensive irakienne, l'armée iranienne s'est trouvée dépassée. Et ses généraux ont eu malheureusement recours à des tactiques médiocres, mais surtout très coûteuses en hommes. Ah ouais, je vois ce que vous voulez dire. Là, ces vagues de jeunes combattants lancés contre le dispositif ennemi. Et qui se sont traduites par des pertes considérables, oui. On a même vu des milliers de jeunes hommes précipités directement contre les lignes irakiennes à seule fin de nettoyer des champs de mines. Ouais, des soldats donc littéralement sacrifiés. Et Suleimani, à juste titre, trouvait cela intolérable. Un trouble d'autant plus important chez lui qu'il entretenait des rapports affectifs forts avec ses soldats. Des témoins rapportent qu'avant d'envoyer ses hommes au combat, il les embrassait individuellement et leur disait adieu. Et dans ses discours, il faisait l'éloge des soldats martyrs en leur demandant pardon de ne pas avoir été lui-même un martyr. France Inter. Rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Sous le titre « Le commandant de l'ombre », le journaliste Dexter Filkins a consacré un long article à Qassem Soleimani dans le prestigieux New Yorker. J'en extrait ces lignes. Dans les années 80, Ruel Mark Gerecht était un jeune agent de la CIA en poste à Istanbul, où il recrutait parmi les milliers de soldats iraniens qui s'y rendaient en permission pour récupérer. Il y avait toutes sortes de soldats. Il y avait des religieux. Il y avait des gens qui venaient pour respirer, pour baiser et pour boire. Gerecht divisait les vétérans en deux groupes. Il y avait les cassés et les cuits, au regard vide. Les gars qui avaient été détruits, a-t-il dit. Et puis il y avait les gars aux yeux brillants, qui n'avaient qu'une envie. Repartir au combat. Je mettrai Soleimani dans cette dernière catégorie. Et selon Ryan Crocker, ambassadeur des États-Unis en Irak entre 2007 et 2009, Soleimani est religieux, mais sans plus. Il va à la mosquée de temps en temps. Ce n'est pas la religion qui le motive, c'est le nationalisme et l'amour du combat. Soleimani a donc désapprouvé la tactique offensive iranienne de combat lourde en pertes humaines. Quand ses supérieurs ont annoncé, par exemple, leur intention d'attaquer la péninsule de Fao, il ne s'est pas privé de critiquer leur plan qu'il considérait comme téméraire et relevant du gaspillage. Et il est certain qu'il a retenu la leçon de ses erreurs tragiques, en particulier la sottise de ses affrontements directs. En outre, il ne faut pas l'oublier, cette monstrueuse guerre Iran-Irak a provoqué un traumatisme durable dans la population iranienne. Ouais, d'où ce désir de revanche qu'on observe chez les Iraniens qui sont aujourd'hui engagés en Irak. Hein. De revanche et donc aussi de vengeance, malheureusement. Car il faudrait aussi parler de ces milliers de soldats qui souffrent encore des séquelles de leur exposition aux armes chimiques. Des armes qui, il faut le rappeler, ont été développées avec l'aide de firmes européennes et utilisées parfois sur le terrain grâce à des informations fournies par les Américains. Oui, ça a nourri autant de ressentiments contre l'Occident. Hein. Enfin, vous le savez, cette longue guerre s'est terminée sans victoire ni défaite, mais par un cessez-le-feu accepté par les deux parties. Et cette issue a laissé un grand nombre d'officiers iraniens frustrés, car ils ont eu le sentiment que c'était les religieux qui leur avaient imposé la fin de cette guerre. Une guerre qu'ils comptaient bien gagner. Et après la guerre, alors justement, que devient Soleimani ? Dans les années d'après-guerre, il est envoyé à la frontière orientale de l'Iran. Il est chargé d'aider les moudjahidines afghans rebelles qui combattent les talibans. Attends, mais pourquoi cette hostilité envers les talibans ? Parce qu'ils ont persécuté la minorité chiite en Afghanistan. Cette confrontation est allée très loin et a failli dégénérer en guerre. Les Iraniens ont même mobilisé 250 000 soldats à la frontière afghane pour châtier ces talibans dont la seule existence était pour eux un affront à l'islam. Parallèlement, dans cette région orientale où fleurissait la corruption, Soleimani a conduit une lutte féroce contre les trafiquants d'opium qui pullulaient le long de la frontière afghane. et sa réputation n'a cessé de grandir au sein des forces révolutionnaires. Et auprès du pouvoir, j'imagine. C'est d'autant plus vrai qu'il a développé une relation étroite avec Ali Khamenei, qui devient le guide suprême à la mort de Khamenei en 1989. Oui, un ayatollah au moins aussi conservateur que son prédécesseur. C'est exact. Preuve de ses rapports de confiance, Khamenei, qui d'habitude réserve ses éloges aux soldats tombés au combat, a appelé Soleimani le martyr vivant de la révolution. Au reste, ce dernier partage complètement les vues conservatrices de son mentor. C'est un partisan inconditionnel du système autoritaire du régime iranien. Et en juillet 1999, à l'apogée de la contestation étudiante, il a même signé, avec d'autres commandants des gardiens de la révolution, une lettre d'avertissement adressée au président Mohamed Khatami, lui notifiant que s'il ne réprimait pas la révolte, l'armée le ferait à sa place. Bah, c'est une menace, ça. Assurément, car ces hommes n'auraient pas hésité à renverser le président de la République s'ils ne s'étaient pas décidés à agir. Résultat, la police et les sbires du régime ont écrasé les manifestants, comme ils le feront à nouveau 10 ans plus tard. Ouais. Est-ce que cette proximité avec le guide suprême lui vaut une promotion ? Oui. En 1998, Soleimani est nommé chef de la force Al-Quds. Oui, Al-Quds, c'est l'appellation arabe de Jérusalem. Et la force Al-Quds est une unité issue des rangs même des Pasdaran qui est chargée des opérations secrètes extérieures. Un mot et un bref retour sur des événements dramatiques que j'ai évoqués très récemment. Si comme cela apparaît vraisemblable, c'est bien le Hezbollah qui a perpétré les 2 attentats antisémites de Buenos Aires en 1992 et 1994. Il a certainement été épaulé par des agents de la force Al-Quds. Cependant, c'était avant la nomination de Soleimani à la tête de cette unité. Hein. Certes, mais Qassem Soleimani n'aurait pas renié une telle action. Al-Quds, même si elle ne portait pas encore ce nom, a été créée dès 1979 par Khamenei avec un double objectif, la protection de l'Iran et l'exportation de la révolution islamique. Et sa première action à l'étranger a eu lieu au Liban en 1982. Ce sont des officiers de cette unité qui ont aidé les milices chiites à s'organiser lors de la guerre civile. Oui, ça aboutit à la création du Hezbollah. Hein. Parfaitement. Donc, dès le départ, ce mouvement chiite libanais a été inféodé au pouvoir iranien. Et il s'est développé grâce à l'Iran qui l'a aussi armé. Son commandant militaire, le brillant et sanguinaire Imad Mounier, a contribué à la création de ce qui est devenu l'appareil spécial de sécurité, un bras du Hezbollah, qui collabore étroitement avec la force Al-Quds. Mounier qui a fini par être assassiné vraisemblablement par le Mossad. Hein. À Damas en 2008, oui. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Devenu chef de cette unité d'élite, Soleimani lui donne une ampleur nouvelle. Il développe différentes branches dédiées au renseignement, à la finance, au sabotage, etc. Installée dans le bâtiment de l'ex-ambassade américaine à Téhéran, elle compte maintenant entre 10 000 et 20 000 membres, c'est-à-dire des combattants, des formateurs et des agents traitants en poste à l'étranger, plus ou moins clandestinement. Des espions, si vous voulez. Dès sa nomination à la tête de la force Al-Quds, Soleimani a conduit une action prioritaire en direction du Liban, qu'il va désormais fréquenter assidûment. À l'époque, l'armée israélienne occupait le sud du Liban. Ouais, depuis l'opération Paix en Galilée, conduite par le général Sharon. Hein. 16 ans plus tôt, oui. Et le Hezbollah voulait à tout prix reprendre le contrôle de cette région. Donc, Soleimani a d'abord travaillé à renforcer étroitement ses relations avec Mounier et Nasrallah, le chef du Hezbollah. Il a envoyé une importante mission au Liban. Des agents chargés de former les militants du Hezbollah, de les entraîner et de coordonner leurs incessantes opérations de harcèlement des forces d'occupation. Et cette action a sans doute joué un rôle essentiel dans la décision israélienne de se retirer du Liban Sud en 2000. Ah, ça, c'est une réussite pour Soleimani. Et une victoire célébrée en tant que telle par les chiites libanais. Mais Soleimani n'en est pas resté là. Il a dès lors apporté son soutien à divers groupes islamistes militants opposés aux alliés des États-Unis dans la région. Ainsi, en Arabie Saoudite et à Bahreïn. Et à ce propos, il est intéressant de noter que l'Iran ne s'est pas limité à assister des mouvements chiites. Son unité, Al-Quds, a aussi collaboré avec des organisations sunnites, comme le Hamas palestinien, qu'il a largement contribué à armer en missiles et autres instruments de mort. Souleymani sait donc aussi faire preuve d'opportunisme quand il le faut. Exactement. Il fallait édifier un véritable faisceau d'alliances, de Bagdad à Beyrouth, en se montrant toujours le plus rapide et le plus habile. En même temps, et c'est l'un des aspects les plus curieux de l'activité passée de Souleymani, il n'a pas hésité à nouer des contacts avec les Américains. Mais quand, là ? Après les événements du 11 septembre 2001. Et ça s'explique alors très bien. Quel est alors l'ennemi principal de Washington ? C'est le régime taliban installé en Afghanistan. Hein. Qui a hébergé et aidé Ben Laden. Or, je vous l'ai dit, les Iraniens partageaient cette hostilité contre les talibans. On va donc, contre toute attente, observer une brève coopération entre les Américains et les Iraniens, en dépit de la rupture de leurs relations diplomatiques en 1980. Oui, mais après le 11 septembre, ils ont un ennemi commun. Et concrètement, comment ça s'est traduit alors ? C'est Souleymani qui va être indirectement à la manœuvre. Dans les jours qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001, un haut fonctionnaire du département d'État s'est rendu discrètement à Genève pour y rencontrer des diplomates iraniens qui rendaient aussitôt compte à Souleymani. Et ce dernier, d'après l'émissaire états-unien qui s'est confié bien plus tard, faisait preuve d'une grande souplesse, mais aussi d'une méfiance au moins aussi grande. Les messages qu'il envoyait à l'américain n'étaient jamais consignés par écrit. Ah ouais, bah il fallait pas laisser de traces. Et que se disait-il alors au cours de ces réunions secrètes ? Les Iraniens pressaient les Américains d'intervenir au plus tôt en Afghanistan. Ils s'impatientaient même. C'est-à-dire qu'ils voulaient que l'aviation américaine commence au plus tôt à bombarder les bases des talibans et d'Al-Qaïda. C'est ça. Ouais. Ce que les Américains se sont quand même résolus à faire. Hein. Mais un peu tard, selon les Iraniens. La preuve, c'est qu'ils laisseront Ben Laden s'échapper. Mais vous m'avez dit que cette collaboration avait été brève. Oui, parce que dès janvier 2002, George Bush a déclaré que l'Iran faisait partie de l'axe du mal, d'où la rupture. Mais ce que l'on constate aujourd'hui en Irak, ce n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle tentative de collaboration irano-américaine. Parce que les deux pays ont à nouveau un ennemi commun. L'État islamique. Mais nous verrons cela la semaine prochaine, car je suis loin de vous avoir tout dit sur le mystérieux Qassem Soleimani et ses obscures activités. Cette émission a été réalisée par Michel Biou avec Basile Bocquer, mise en musique par Jean-Baptiste Audibert et préparée par Rebecca Denon, qui a lu quoi cette semaine ? Patrick, je voulais d'abord donner le titre du livre de Myriam Benrad, dont vous avez cité un extrait dans l'émission, « Irak, la revanche de l'histoire, de l'occupation étrangère à l'État islamique ». C'est paru en janvier dernier dans la très dynamique maison d'édition Vendémiaire. Et aussi le livre « Djihad Academy » de Nicolas Hénin, le journaliste français enlevé par l'État islamique en 2013, à la fois un témoignage mais aussi un constat clair et précis des erreurs occidentales face à l'émergence de Daesh en 2011, puis à son expansion à cheval sur la Syrie et l'Irak. Et c'est paru chez Fayard. Très bon livre. Sur franceinter.fr, vous pourrez communiquer avec nous. À samedi prochain. Et tout de suite après le flash. Un peu de verdure, c'est au-delà de mon amour de Denis Chessou.